Annonce 4. Votre attention, s'il vous plaît. Le TGV 6776 venant de Besançon à destination de Paris arrivera dans quelques minutes, voie I.